C'est tout. J'ai craqué. J'ai aimé une femme, j'ai craqué. Je vais regretter un peu. Soit. Mais ça dépend aussi quelle technique elle va me donner au lit. Si c'est puissant pour que, plus que pour celle qui est à la maison, alors là, je vais continuer à craquer toujours, hein, mais sans abandonner celle qui est à la maison, quoi.